catch a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild snap for spell. Here's another shot! Right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, l'émission qui chaque semaine vous parle de sport de partout à travers la planète. À nos côtés cette semaine, M. Philippe Doucet, ça va bien faire? Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et à ma gauche qui fait un retour cette semaine, M. Pierre-Luc Giroux, ça va oui, bien Pierre-Luc? Ça va très bien toi. Ça va bien, très bien, écoute, pleut pas, je suis heureux. Je t'en ai de l'automne. T'sais, non, je t'en ai. Ah oui? T'sais. Tu parlais il y a une, deux, trois semaines, je t'écoute pas vraiment quand tu parles, que tu disais que c'était le fun l'automne parce que c'est là que, bon, on a tous les sports présentement. Ouais. Série de baseball, on a l'hockey qui commence, le basketball qui commence. Petit mot rapide sur le basketball. Je sais pas si t'as vu, Toronto, on joue un match d'exhibition contre les Suns de Phoenix à Vancouver. Je pense que c'était encore la peinture des Grizzlies qui était sur, le plancher. Sur le dashboard, Non, c'est le plancher au complet noir et turquoise. J'ai fait ça me dit de quoi, tu sais. Moi, j'ai un ballon de soccer. Des Grizzlies de Vancouver. Et pire que ça, j'ai même un ballon de basket des Marlins de la Floride. Fait qu'il y a quelqu'un en quelque part qui s'est trompé dans la peinture. Ouais. Moi, j'avais le. Puis plusieurs personnes ont eu le board des Raptors ou j'avais des Grizzlies. Ouais, t'avais Grizzlies. Ouais. T'étais dans le turquoise, toi. T'es. Effectivement. C'était... Turquoise et mauve, moi, ça a été ma jeunesse. Donc, comme je continue ce que je disais, le basketball, l'heure qui commence, le basketball, tout le football qui est en ébullition, c'est passionnant présentement. Mais, ah, qu'il fait laid dehors, il n'y a rien frais, à faire. Il fait frais, il tu peux pas commencer à faire tes sports d'hiver. Il fait trop frais pour faire tes sports d'été. C'est quoi un sport d'automne, à part la marche avec ta blonde pour aller genre aux pommes? Cette semaine, je m'en venais à l'université puis j'ai vu des kids dans une rue qui non passante, qui jouaient au hockey. Je disais, ah ben, ça joue encore au hockey dans la rue. Où t'as vu ça? Ouais. J'étais sur Père Daniel, donc une des rues. Ok, à Trois-Rivières, vraiment. Oui, ok, ça joue au hockey dans la rue à Trois-Rivières. Tu sais, je me disais peut-être genre dans un village réclus où est-ce que des jeunes font encore de quoi parce que. Non, il n'y a plus de jeunes dans les villages réclus. C'était la minute sociologique. Hey, donc cette semaine à l'émission, on a quand même un bon programme pour vous ce matin. On va avoir, écoute, moi je vous parle des Patriotes dans pas très long après la petite pause musicale. Pierre-Luc va nous parler d'hockey junior, bien sûr. Jonathan Bernier va être avec nous parler du début de saison du Canadien. Écoute, hier contre Toronto, une performance quand même appréciable de leur part. Phil, soccer, bien sûr. Et JP va venir nous parler football. Et en fin d'émission, JP, qui est, écoute, un gars multidisciplinaire comme c'est pas possible, va nous parler de baseball. On va parler des séries qui ont débuté tout récemment au baseball. C'était assez intéressant ces deux derniers jours au niveau des lanceurs. Hein? Mais des lanceurs et des arbitres aussi. Hein? Oui, l'arbitrage, c'est très, très, très difficile. C'est un peu difficile à date. Là. Mais j'aime mieux retenir les bons points des lanceurs que l'éternel mauvais jugement des arbitres. Lindskam hier. Oh, 14. 14 rétro-bâtons. Et une chevelure de feu. Écoute, ce gars me passe. Head and shoulder. Donc, c'est bon. Donc, on sort une petite pause musicale. On va aller écouter Copperton du groupe Les Martiens. Et après la pause, on parle des Patriotes. Vous écoutez L'Inconduite de partie sur C'est fou. De la peau nue, des phéromones, ça c'est beau. bascule dans l'avenue. Les cuisses, les poitrines et les culs se lancent des signes dans l'univers. Et ça sent bon la crème solaire. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. L'inconduite de partie. Et c'était Martien avec la chanson Copper Town. On parle maintenant des Patriotes. Écoute, les Patriotes, cette semaine, au soccer. On le sait, les gars, ça avait très bien été la fin de semaine dernière. On parlait de... On était que troisième, je pense, au classement. Trois, quatrième, ça allait super bien. On se disait, bon, en fin de semaine, un match très difficile contre Laval, un match très facile contre Concordia. On pouvait s'attendre à 1-1, donc ce qui ferait qu'on conserverait relativement notre troisième position au classement. Mais non, ça s'est pas passé exactement comme ça. Vendredi, contre Concordia, au campus Loyola, à Montréal, c'est une défaite de 3-1 des Patriotes. Écoute, dans la défaite, si ma page internet peut ouvrir, bien sûr. Mais quand même 3-1 contre Concordia, la défensive des Pats qui jusqu'à présent avait bien été. Et là, qui contre Concordia, qui n'est pas réputé pour avoir nécessairement une attaque très très robuste, ben, du moins peut-être cette année, mais dans les autres années, c'était pas mal plus difficile. Il était dernier au classement. Bon, donc à ce niveau-là, c'est un peu... C'est un peu problématique là, d'échapper à un match comme ça, surtout quand tu vas rencontrer Laval dans ton autre match de la fin de semaine. On va voir comment les Pats vont pouvoir se relever de ça. Mais c'est probablement. Pierre Clermont est probablement pas très content du résultat dans la fin de semaine. Non, parce que ça va leur jouer. Ça va jouer dans la balance très rapidement à la fin de la saison. Ça va faire mal. Donc ça, c'est les quatre premières positions qui font les séries. Puis dans ce cas-ci. Écoute, ça n'a pas été une bonne fin de semaine. Donc, la défaite de 3-1 du côté des Patriotes, c'était vendredi. Et contre Laval, dimanche. C'est dimanche, exactement. Une autre défaite. Là, c'est comprenable. Laval, la puissance Laval, de la Ligue. Là, on s'y attendait, mais quand même. Donc, une défaite de 3-1. Non, excusez, 2-0. Hey, je suis à côté. C'est... Je suis vraiment désolé. 2-0 ou 3-1, Nick? 2-0. 3-1. Nul. On prend-tu une gageure? Pierre-Luc, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je pense que ma jusqu'à toi. Je suis Désolé pour ce manque de professionnalisme, tout le monde. Alors, c'est une défaite de 3-1 de la part des Patriots, encore une fois, qui se sont inclinés. 3-1, c'est beaucoup plus respectable que le premier match de la saison. Où est-ce que ça s'était terminé? Si tu peux me rafraîchir la mémoire, Philippe. 7-0. Exactement. Ça, ça fait mal, mesdames, messieurs. Bon ski, mesdames, messieurs. Ouh, la corde à linge. Ouais, effectivement. Deux sports qui se pratiquent très bien. Oh, que oui. Alors, on passe maintenant chez les filles. On sait, les filles, ça était. On parlait que les gars, ça allait bien. Les filles, cette année, ça allait très mal. Après 6 matchs, toujours pas de but. On cherchait. Je suis très, très, très content pour eux. Ça l'a enfin débouché cette fin de semaine. Tout d'abord, contre vendredi. Contre Concordia, ben là, écoute, c'était une défaite de 1-0. On n'a pas réussi à performer, bon, tout comme les hommes. Il faut croire qu'il devait avoir de quoi dans l'eau. Il y avait de quoi dans l'eau. Par contre, contre Laval, une puissance de la Ligue, une des puissances de la Ligue, Laval, c'est une nulle de 2-2. C'est bien, ça. Très, très bien, écoute, du côté des filles. Les premiers buts de l'année qui sont venus des filles. Vraiment, ça va les remettre un peu. Je pense que les séries ne seront pas une possibilité pour eux, ou du moins, genre, de tout faire. Non, mais ne serait-ce que de bâtir pour l'année prochaine, parce que pour la session d'hiver, c'est quand même une jeune équipe. Les filles ne se connaissent pas nécessairement. Fait que si, au niveau de la session d'hiver, ben, on peut avoir une équipe qui a commencé à se mettre en branle puis qui a pris de la confiance en elle, ben ça ne peut être qu'une bonne chose. Je suis pas mal persuadé que si on est ça, le coach va être en mesure de capitaliser là-dessus. Un petit peu plus les filles, puis de prendre du bon. Écoute, il faut prendre du bon à travers ce qui se fait du côté de chez les filles. Et la patriote de la semaine, ben écoute, Jessica Lavallée de l'équipe féminine de soccer qui a fait le but égalisateur qui contre Laval. Est très, très, très, très heureux pour eux. Son but est à 46e minute de jeu. Et bon, ben Jessica, c'est sa 4e année au baccalauréat en enseignement à l'éducation physique de la santé. Donc, félicitations à elle. Et maintenant, parlons golf. Les équipes, c'était le championnat québécois cette semaine de golf. Ça se disputait mardi, mercredi et jeudi au club de golf Laval-sur-le-Lac. Très, très beau terrain. Les équipes, bon, ben écoute, chez les femmes, allons-y, ils étaient troisième au classement général sur 6 équipes. Les 3 premières accèdent au championnat national. Les filles ont terminé la journée, plutôt la fin de semaine, avec une fiche de plus 38. Écoute, ce qui est classe à environ 4 coups de Laval sur 3 rondes, c'est excellent. Plus 132, oui, non, je suis désolé. Plus 132, c'est pour la dernière journée, OK. Et ça les classe environ à 36 coups, là, si mon calcul est rapide. 36 coups de Laval, mais ils terminent en troisième position. Ils se classent. La meilleure chez les femmes a été Audrey Como. Donc, pour elle. Chez les hommes, bon, on était à quatrième position. On devait absolument surprendre pour vraiment, tu sais, essayer de finir en troisième et se classer pour le championnat québécois, canadien plutôt. Ça n'a pas été très fameux du côté des hommes qui se sont inclinés. Écoute, ça n'a pas été une dernière journée très difficile du côté des hommes. Le meilleur dans la fin de semaine, ou dans la semaine, devrais-je dire, ça a été Frédéric Sirois qui a joué 233 des rondes de 77, 77 et 79. Mais ça n'a pas été assez. Écoute, les Patriots ont terminé au 5e rang à égalité avec l'ETS Sherbrooke, qui était l'équipe à rejoindre, ont fini au 4e rang. On ne semble pas se classer, on ne se classera pas du côté des hommes pour le championnat national cette année. C'est dommage, il y avait des possibilités, mais ça ne se fera pas. Donc, c'est ce qui conclut pour le golf. Maintenant, hockey, ça commence ce soir. À Nipissing, North Bay, Ontario, va y avoir à peu près 3000 personnes dans la cabane. Il risque d'avoir beaucoup de monde, hein? Est-ce qu'on part pas à Trois-Rivières, mettons? Non. Ben, attendez, les gars, il y a eu des grands matchs des Pats l'année passée où il y avait bien du monde. Là. Celui pendant le carnaval, il y avait au-dessus de 1000 personnes. Il y avait au-dessus de 1000 personnes aussi contre Western, le dernier match à domicile. Je pense que la seule partie où il y a eu 1000 personnes, c'est contre la Suède. Ah oui, effectivement aussi, il y a eu la Suède. Mais n'empêche que il y a quand même des bonnes foules. T'sais, ça arrive qu'il y a 3-4 matchs à Trois-Rivières qu'il y a des bonnes foules. Le restant du temps, ben je sais pas où sont les étudiants, mais ils sont certainement pas à l'aréna. Non. Puis c'est dommage parce que l'aréna est pas loin. C'est pas le plus bel aréna, mais c'est pas non plus. Ben écoute, c'est plus le, au moins c'est pas HED du Colisée Mondial. Ah, ouais, c'est ça. Ou du moins pour la majeure partie de la saison, ça ne sera pas la grange là. Ben là, soyons réalistes, ça tombe bien. C'est comme fait comme une grange. Oh, oui, tout à fait. Ouais. Avec le toit. Anciennement une grange. Le toit en papier foil. Ouais, le toit en papier foil, puis les bancs trop hauts. Ouais. Mais je pense que le succès de la participation étudiante des Patriotes passe par un aréna sur le campus. C'est ça. En parler, c'est en fait justement soulever le problème qu'on n'aura pas. Ouais. Donc, non, ça se croit pas. Écoute, il y en a ça. Beaucoup qui veulent la construction d'un nouvel amphithéâtre. Il y a beaucoup, ouais. Bon gag. Allons-y avec qu'est-ce que je vois comme saison un peu pour les Patriotes, les deux premiers matchs. Je pense que les Patriotes ont une très bonne équipe, un noyau qui est extrêmement similaire par rapport à l'an dernier. On n'a pas perdu beaucoup de joueurs. André Joannis, Samuel Richard, peut-être Alexandre Blais, qu'on pourrait dire sont les trois principaux qui sont partis. Mais ça a été remplacé par Emmanuel Boudreau. Jeff Desjardins, à date, je suis pas super high sur lui. J'ai pas capoté sur ce que j'ai vu. Mais du côté du coaching staff, on semble être très apprécié ce qu'il va amener à l'équipe. Peut-être le temps de s'habituer aussi, ça va donner bon. On va y laisser le temps. Je l'ai vu, écoute, dans les matchs pré-saison, donc c'est tout le temps difficile à dire ce que ça va donner une fois en équipement. Mais c'est une équipe qui, écoute, a fini troisième l'an passé au top 10 national derrière UNB et l'Alberta en ordre inversé. Alberta avait fini premier. C'est une équipe qui, écoute, qui est capable de rivaliser avec à peu près n'importe quelle équipe au pays. Par contre, vont-elles être capables? McGill, tu sais, c'est bien beau chez les Pats, mais souvent on manque de constance un petit peu. On joue deux périodes sur trois. J'en parlais cette semaine avec Jean-Sébastien Breton, justement, puis il me disait que dans les dernières années, surtout principalement contre McGill, les Patriotes sont une équipe qui est quand même agréable à jouer contre. C'est pas une équipe qui est nécessairement physique, c'est une équipe qui joue du hockey. Puis comme il y a un peu une haine sur la glace avec McGill, ben souvent, si McGill prend les devants par deux buts, ben ça devient un peu plus robuste. Puis là, les Pats sont un peu moins capables de répliquer. La force des Pats, ça va être de profiter des avantages numériques, de jouer son hockey, puis d'arriver sur la glace avec son plan de match, puis de le respecter, un peu comme nous disait Jacques Laporte la semaine passée. Pas nécessairement de tomber dans le jeu dans de l'autre facilité, équipe, dans puis... la facilité de l'autre équipe, puis d'aller là où l'autre équipe veut nous avoir. Si les Patriotes restent en contrôle du jeu, ben on a vu l'année passée, justement contre Western, quand les Pats prennent le contrôle du jeu, ben ça se mascarait, là. Fait que ça, il y a de quoi à faire là. Il y a de quoi une grosse job de concentration à avoir. Je pense que cette année, les gars sont rendus quand même assez matures. On parle justement de Breton, Blanchard qui sont là depuis un bout. Oui, tu peux rajouter Demers, tu peux rajouter je pense en défensive, un gars comme Nicolas Desilets qui a décidé de revenir, ouais. C'était pas supposé. C'est des gars qui vont vraiment venir aider. Petit, bon, mais lui, c'est sa première vraie saison complète avec l'équipe. Ouais, mais il était là l'année passée. Ah oui, c'est ça. Gros t'sais. Match, il fait que, ah non, ça, mais on connaît le talent, mais en plus, là, il va être là dès le début. Fait tu tentes pas en plein milieu, mais ça va encore se décider en finale. Ça va encore se décider en série. Ouais. À mon avis, à moins d'une surprise générale de Carlton, qui sont, tant qu'à moi, dans l'Est, le troisième plus gros programme. Concordia est pas là, Ottawa est pas là. Bon, peut-être une surprise de la part de Queens, mais encore non. Carlton devrait se classer troisième. Pour le reste, écoute, je vois difficilement une équipe donc venir rivaliser. Ça va être entre McGill et les Patriotes pour se rendre au championnat national. À partir de là, rendu là, c'est un tournoi de trois matchs, donc advienne que pourra. Là. Mais de se rendre, d'aller chercher la Coupe Queen, c'est ce qui va être l'objectif cette année. Mais ils vont devoir prendre ça un match à la fois. Et... Il y a ce qui peut jouer aussi, en espérant que ce soit pas nécessairement un facteur, mais les Pats ont un voyage aux States. Ouais, dans le CIA. Ouais. Où ils vont jouer trois matchs réguliers de leur saison, avec trois matchs aussi hors saison aux États-Unis en une période de 8 jours. Ça fait 6 matchs en 8 jours que les gars vont jouer. C'est très raide là, quand même sur en plus du voyagement. En plus, il y en a certains qui sont aux études un peu plus avancés que d'autres. Mais je pense que ça tombe sur la semaine de relâche, par contre, au moins. Donc, ouais, mais semaine de relâche ou pas, personnellement, une semaine de relâche, c'est bon quand t'es au bac. Il y a des endroits, à la maîtrise, ta semaine de relâche, t'es supposé de la passer à lire. Puis, ça risque d'affecter certains joueurs. à ce niveau-là. On va voir. Jacques Laporte a pensé que c'était une bonne idée de faire ce voyage-là. Donc, j'imagine que les gars vont pouvoir au moins en profiter pour se souder. Ça c'est certain. Puis, l'an passé, on est allé en France aussi. Donc, en plus de ce voyage-là aux États-Unis, écoute, c'est des genres d'activités qui vont, comme tu dis, souder une équipe. On va affronter du côté des Pats, l'Université Dartmouth, l'Université Princeton, l'Université Cornell. Donc, on s'en va directement dans les Ivy Leagues. Ouais. Où est-ce que, bon, pour la plupart des gens, Yale, Harvard vont évoluer pour ceux qui connaissent pas, mais Cornell, c'est un bon programme de hockey. Oui, Cornell, justement, Jean-Sébastien m'en parlait cette semaine. Quand tu arrives sur la glace à Cornell, tout le monde est en train de lire son papier, son journal, puis pas un geste, rien. Le traitement silence, toi. Le traitement silence à Cornell quand l'autre équipe embarque sur la glace, puis il n'y a pas personne qui réagit, tout le monde lit son journal, puis quand Cornell embarque, ben là, tout le monde chiffonne son journal, le garoche sur la glace, la fanfare part. On est à des années-lumière d'avoir ça à Trois-Rivières. J'aimerais tellement voir ça. Ouais, une fanfare dans un aréna, ça doit péter d'une belle façon. C'est pas juste le fait fanfare, c'est vraiment le fait des traditions. Mm. Au même titre qu'au football, j'écoutais un match l'autre semaine c'était Boise State contre... Ohio State. Non, pas Ohio State, excusez-moi. Oklahoma State. OSU. L'autre OSU. Donc, tu sais, les gens chantaient dans la foule, mais pas... Olé, olé, parce que je chantais Minton, mais écoute, il y a plus que six mots là, dans les paroles, mais tout le monde la connaît, la chanson. Mm-hmm. Donc, une belle façon. Mais écoute, comme je dis, les Patriots sont encore dans les favoris. Écoute, le Hollywood Top 34 2010-2011 est sorti, donc c'est pas un pool de hockey, mais un classement selon professionnel un peu qui fait ça. Ça vaut ce que ça vaut, les classements pré-saison, on le sait, là. Mais au niveau, écoute, Alberta est classé deuxième, c'est UNB. Les Reds, qui l'an dernier étaient parfaits, 27 victoires, 0 défaite, jusqu'au dernier match de la saison où ils se sont inclinés face à Saint-FX. Donc, UNB est encore favori cette année. Alberta se classe deuxième et Saint Mary's troisième. Les Patriots font leur apparition au 11e rang, tout juste devant McGill. Écoute, ça vaut ce que ça vaut à toutes les années. À toutes les années, ou du moins depuis deux dernières années, les Patriots ont été vus comme, comment dire, comme des... Les underdogs. Pas des underdogs, mais on ne donne pas assez de crédit probablement à la conférence de l'Ontario. Okay. Et c'est pourquoi ils se classent là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense, comme je dis, les Patriots sont devant une belle saison à venir. Mais il va falloir garder la concentration. On s'en va à une pause. Au retour, Weezer. Et on parle du début de saison du Canadien de Montréal avec M. Jonathan Bernier. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou, ça. À Mexico. 89.1. À Mexico. Sur le net. Au cestfou.ca. À Mexico. Les bien me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduit de partie. Shove me out, but it turns me on. Et un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. C'était Weezer avec la chanson Ruling Me de leur dernier album qui s'appelle Hurley, avec un gros monsieur avec une barbe dessus. Tu sais, c'est qui ce dit gros monsieur? Vas-y. C'est le Hurley de Lost. J'écoute pas Lost. Ah, ben là. Ok, t'as pas genre un suivi là-dessus? Ah non, c'est là. Lui, c'est ça. Ok, t'as juste lui. Comme entendu ça dans le... Non, non, ben je l'ai reconnu, j'ai vu. J'ai écouté quelques émissions de Lost, okay. Et puis je l'ai reconnu. Mais il est photogénique. Ah ben quand même, très très très sympathique. Ben oui. Et on est présentement au téléphone avec Jonathan Bernier, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ah ben oui. Écoute, Jonathan... En fait, je devrais dire. Ouais, vous, l'équipe au complet ce matin... Jonathan, on va parler du Canadien, hein, du début de saison. Petite parenthèse avant de commencer, le début de match, l'intro à Toronto, ça a-tu été fait par comme une équipe de théâtre de secondaire 3 ou... j'ai aucune idée, c'est peut-être la paroisse voisine qui a voulu bénite au Maple Leaf pour bénir la prochaine saison. Ouais, c'était digne de ça, là, ça avait l'air d'un baptême, tu bailles un peu puis t'as hâte que ça finisse pour aller au sandwich. Là. Ouais, exact, surtout que la présentation a été assez longue aussi avec la présentation finalement de tous les anciens, ce qui était quand même pas si pire là, pour ce qui est de cette portion-là, mais je dirais que la bénédiction de Douglas... Avec le principe qu'ils ont été chercher de l'eau dans toutes les provinces, tu sais, mais ce qui est filmé, bon, tu fais, hey, c'est tout le même lac, là, comment pas pour... Pas une tarte, là. Ouais, ou... en même temps, c'est, ouais, puis ce que la façon que j'ai compris ça un peu, c'est comme si Toronto, c'est comme si tout partait de Toronto, finalement. Ouais. Les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent qui se rend jusque dans le Golfe et puis l'océan Atlantique, là, c'était comme si, finalement, Toronto, c'était le centre du Canada. Ben, je pense que c'est ce qu'ils pensent. D'ailleurs, c'est pas le Air Canada Center. Ouais, effectivement. Bon, on peut en rajouter longtemps sur leur ego assez démesuré. Alors, Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé de la première partie, une défaite de 3-2 de la part du tricolore? Ben, j'ai pas été complètement déçu par ce match-là. Je trouvais que le Canadien, écoute, l'excuse est facile là, avec les blessés. Mais tu sais, on peut dire qu'il manquait quand même tes deux meilleurs défenseurs et ton meilleur attaquant. Ben exact. Là. Fait que finalement, avec un club amputé, on a quand même, le Canadien a quand même réussi à tenir son bout face aux Leafs. Moi, ce que j'ai aimé, encore une fois, ça fait trois semaines qu'on se parle, puis ça fait la troisième semaine que je vais vous parler de Darcy Seller. Là. Moi, je suis encore impressionné vraiment par sa tenue. Là. Il a répondu encore une fois à l'appel aux côtés de Plekanec et Costitine. Puis je pense sérieusement que, parce que là, de la façon que Jacques Martin voit les choses, là, Costitine serait sur un trio et Pouliot sur l'autre, là, avec le retour de Camilleri. Mais je pense sérieusement qu'il va devoir lui faire une place là, à l'Arceller sur l'un des deux premiers trios. Moi, je pense que c'est Pouliot qui va payer pour. Je pense que c'est Pouliot qui va payer pour aussi. D'ailleurs, hier, on l'a pratiquement pas vu, puis il a été rétrogradé également sur la troisième ou la quatrième unité. Là. Mais je pense que... ça pourrait être bon pour lui, pour Benoît Pouliot, de jouer sur un troisième trio, disons avec Lapierre et Alpern ou Lapierre et Boyd. Tu vas en faire un spécialiste défensif ou... Non, mais on l'a vu hier, quand même, du moment qu'il a été muté avec ce trio-là, il y a quand même un but qui s'est marqué. C'est ça, mais moi je pense qu'il pourrait justement amener une touche offensive à un des trios défensifs. Ouais. Avec quand il joue sur les deux premiers trios, souvent c'est lui le plus gros joueur de la ligne. OK. Donc, puis se porter à l'attaque, puis aller dans un coin de patinoire, aller chercher la rondelle, c'est pas vraiment son genre. Mais je pense qu'avec, peut-être jumelé avec un gars comme Lapierre, des grinders, lui pourrait rester en retrait, puis ramasser de la passe dans l'enclave, disons, puis parce qu'il y a quand même un bon lancer. Là. Fait qu'on pourrait juste, tu sais, il pourrait se concentrer autour de l'enclave, puis attendre que ses deux coéquipiers, ses deux compagnons de trio aient cherché la rondelle dans le coin. Fait que ça pourrait peut-être... mieux lui convenir. Ça peut lui donner un peu de confiance puis de retrouver ses sens, mais d'apprendre à comment se placer, je trouve, puis évoluer sur une glace, ben écoute, ça c'est peut-être juste mieux comme ça aussi. C'est ça. Fait que ça pourrait, donc pour le bien d'Eclipse, ça pourrait même venir augmenter un peu la part du troisième trio là, du plan offensif. Il y a aussi ce que j'ai aimé, bon, Carey Price qui grippé la veille, a quand même gardé le filet. Je trouve qu'il s'est bien tiré d'affaire. Oui. Avant que les Leafs marquent les deux buts, là, je me souviens qu'il a fait deux arrêts assez importants pour justement garder la marque à 0-0. Puis après, vers la fin de la rencontre, alors que c'était 3-2, il a réussi un bel arrêt encore sur Phil Kessel là, pour permettre aux Canadiens de garder garder espoir de niveler la marque. Donc, dans les moments importants, on a quand même été là. Puis on peut s'entendre aussi sur le fait que les buts, c'est pas vraiment de sa faute. Là, il y a encore eu le fameux but là en échappé de Kessel qui me fait penser tellement à ce qui est arrivé en pré-saison contre Bergeron, entre autres. Une fin identique. L'exception que cette fois, je pensais bien qu'il l'avait arrêté. D'ailleurs, lui aussi, là, parce que la rondelle a poursuivi. Ah, il en manquait pas gros, hein? Il en manquait pas gros. Donc, on voit qu'il commence, je pense, à retrouver sa touche. On verra pour les prochaines rencontres, mais je pense que ça augure bien. Le désavantage numérique, 0 but en 5, donc c'est ce qui est très bien. À l'inverse de l'avantage numérique où on a été blanchi, où les Maple Leafs ont blanchi le Canadien en 3 occasions. Bon, évidemment... T'as pensé quoi de Piqué Subban sur l'avantage numérique, puis même son match en tant que tel? Je pense qu'il y a encore un peu de bouffinage à faire dans son cas. Là. Évidemment, il est encore assez jeune. Puis je pense que le fait aussi qu'il joue à Toronto devant sa famille, ça l'a peut-être rendu ou un peu trop excité ou un peu trop nerveux. Vouloir trop en faire. J'avais l'impression des fois qu'il courait peut-être un peu trop partout, puis qu'il était peut-être pas positionné au bon endroit au bon moment. Donc, fait que c'est ça, avec l'absence de Markov et l'absence de Camilleri, qui est quand même le sniper numéro un du Canadien en avantage numérique. Je peux comprendre qu'il y a eu des difficultés, malgré que pendant le camp d'entraînement, ça a été un peu le même problème. Problème qui vient du fait, selon moi, que l'adversaire commence à connaître le patron de jeu du Canadien, même si on a essayé d'apporter quelques modifications, ça ressemble pas mal à ce qui était l'an dernier. Et aussi, l'absence de Marc-André Bergeron, je pense que ça va se faire sentir pas mal plus que le Canadien pensait là au courant de la saison morte. C'est quand même lui qui, avec son lancer frappé, là, qui attirait pas mal les joueurs adverses vers lui, donc ce qui libérait Camilleri, entre autres. D'accord. Hey, j'aimerais que, Jonathan, tu me parles un peu, justement. Ben écoute, tu parlais de Bergeron, tout ça. On a fait jouer Alexandre Picard hier. Ça n'a pas été... Écoute, le duo Auburn-Picard m'inquiétait énormément. Ça sentait l'erreur à plein nez. En effet, il y a eu des erreurs quand même, sans dire majeures, mais qui ont été là. Au retour d'Amerlik, au retour de Markov, qu'est-ce que ça devrait ressembler, d'après toi, à la brigade défensive du Canadien? Qui descend, qui reste? Ben, qui descend, ça va se jouer entre Picard et Auburn, parce que je crois bien que le Canadien va garder Subban, même si, parmi les trois joueurs, ça serait le seul Piqué Subban qui n'aurait pas besoin de passer par le balotage avant de descendre à Hamilton. Malgré tout, je pense que le Canadien va risquer d'en descendre un des deux. Maintenant, la question, c'est de savoir ce qu'il compte faire. C'est quoi le plan de match de Jacques Martin? Est-ce qu'il veut garder Ryan O'Byrne pour sa touche, entre guillemets, défensive, qui est un peu plus fiable que Picard? Puis également, comme je disais la semaine dernière, là, O'Byrne, c'est le seul droitier, mis à part Piqué Subban, dans l'équipe, donc ce qui lui apporte un plus. Ou est-ce qu'il veut garder Picard qui peut lui apporter justement un peu plus sur le plan offensif, puis permettre de peut-être d'être un peu plus créatif là, en supériorité numérique, ça restera à voir. Puis l'autre question que je me pose aussi, c'est avec Ryan O'Byrne, c'est un projet qu'on développe depuis maintenant 3 ou 4 ans. Est-ce qu'on lance la serviette maintenant? Est-ce qu'on est tanné ou justement on fait l'inverse et on se dit, bon, écoute, ça fait 4 ans qu'on travaille avec lui, là, on devrait peut-être continuer dans son cas? Parce que l'an dernier, en fin de saison, démontrait quand même des choses qui étaient appréciables. Là. Ça on sentait une progression intéressante au niveau de sa confiance et au niveau de son jeu. Ou du moins, moi, c'est ça que j'ai trouvé. Mais... Oui, ben c'est ça. Peut-être une fois que les deux défenseurs vont revenir, là, j'imagine que les paires de défenseurs vont peut-être être modifiés, là, sûrement, en fait. Donc, en le mettant avec un vétéran, là, peut-être avec Spacek, là, ou je sais pas si ça vaudrait la peine de séparer la paire Gil-Georges, là, qui est toujours très efficace, là, pour balancer un peu plus les autres paires de défenseurs. Mais peut-être qu'avec un bon vétéran solide, là, qui pourrait, justement, réparer ses erreurs, ça le mettrait peut-être un peu plus en confiance. Puis probablement qu'il y avait un joueur avec Spacek pourrait enfin évoluer de son côté. Oui, ben comme il fait avec Subban aussi. Ah oui, bon point. Ouais, mais Spacek-Subban, c'est comme trop d'attaques à mon goût pour la qualité de défensive et la qualité de jeu défensif des deux. Je préférais peut-être voir Subban avec Markov, quoique... Ouais, ah non, il manque Amerlik encore, donc on a un heureux problème de trop de défenseurs du côté de Jacques Martin. Oui, exactement. Mais avec Spacek en le défendant avec Auburn, ça pourrait peut-être une paire efficace. Mais en tout cas, on verra leur décision. Là, je pense que c'est vers la fin. Amerlik devrait revenir incessamment. Puis pour ce qui est de Markov, ça devrait être vers la, vers la fin du mois. J'espère que je l'ai pris dans mon pool. On fait-tu un petit peu de prédiction pour la Pour samedi? Écoute, vas-y pour la saison complète. Ton opinion sur cette équipe? Ben, en fait, moi, je pense que le Canadien va se qualifier pour les séries. Un peu à l'image des dernières saisons, là, si on fait exception de l'année où ils ont terminé en tête de l'Est. Là, j'ai l'impression que ça va se jouer aux alentours du 7e et 8e rang. Bon, je m'explique, là, on a pas mal la même équipe que l'an dernier, à quelques exceptions près. L'an dernier, on a fini du côté du Canadien cinquième dernier, c'est-à-dire avec les buts à 5-5. Ce qui semble pas vouloir s'améliorer. On n'a pas ajouté de profondeur à l'attaque, là, mis à part Lars Eller, mais encore là, est-ce que ça va être suffisant un seul joueur? Et est-ce que André Costitine et Benoît Pouliot vont finir par jouer des buts? Ouais. André a un bon début de saison. Oui, là, c'est intéressant. Bon hier, il est intéressant. Oui, j'ai aimé le match qu'il a disputé hier. Puis ça, c'est un peu le genre de joueur... Ça fait penser un peu à Alex Kovalev. Là. Des fois, tu le vois pas nécessairement, mais il peut quand même inscrire un but important ou préparer un but pour un coéquipier. C'est pas le joueur que tu vas voir en fond de territoire, malgré son gros gabarit, mais parfois, il est invisible. Et finalement, tu te rends compte qu'il a ramassé deux points au cours d'un match. Là. C'est aussi que c'est de jouer 82 matchs qui est un problème, au même titre que Kovalev, encore une fois. Il aurait peut-être pas dû les jumeler ensemble... pendant la carrière, là, ça n'a peut-être pas été le meilleur exemple, mais c'est de donner un effort constant de la part de Costin, qui est rarement le cas, même sur une période de 5-7 matchs, là, il y en aura tout le temps 2-3 où ce qui est, comme tu dis, invisible, puis que non, il y aura absolument rien fait. Exact. Je suis curieux de voir l'effet qu'aura le départ de son frère, parce que justement, ça va lui. Ça va le ramener à l'ordre un peu ou ça va le décourager, mais moi, je préfère opter pour la première option. Je pense que c'est. Je pense que son petit frère, c'est peut-être une distraction pour lui là, dans l'entourage de l'équipe. Et autre chose aussi, bon, on vient d'en parler des défenseurs. La défensive est assez moyenne. Là, si on exclut Markov, là, qui est de toute façon axé pas mal plus sur l'offensive que la défensive. Donc, autour de Price, ça risque de circuler pas mal. Bon, on l'a vu en série l'an dernier. Là, souvent, le Canadien était dominé au chapitre des tirs au but. Je pense que c'est ce qui va se produire encore une fois cette saison. Et puis, la pression est encore une fois sur l'avantage numérique. Avantage numérique qui devra produire si le Canadien veut connaître sa part de succès cette saison. Ben écoute, Jonathan, moi je te donne raison sur toute la ligne. Là, je pense que 7-8e position, tout juste, la porte d'en arrière, ça va se décider dans les deux derniers matchs. Mais comme on dit en anglais, prove me wrong. Prouvez-moi de la part du Canadien que j'ai tort. Puis ça va dépendre, je pense, de la progression des jeunes aussi, de la progression, comme tu parles. On parle de Heller, mais si, mettons, Pouliot se met à jouer, Heller se met à jouer, ça serait une participation à l'offensive que, sans dire inespérée, mais grandement bienvenue de la part du Canadien. Oui, tout à fait, exact. Puis c'est ça, si le troisième trio peut marquer quelques buts de temps à autre là, pour enlever de la pression sur les deux premières unités, ça aussi, ça ferait pas de tort. Pas dégueulasse hier de Austin Boyd. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Hey, un beau but, bien travaillé, puis un échappé, qui aurait pu faire une différence. Bon, écoute, c'est sûr que la façon dont s'est terminé l'échappé avec un tir dans le plastron, c'est pas, pas la meilleure, mais faut dire que Jean-Sébastien Giguère prend quand même beaucoup de place devant le but. Il y avait une séquence, excuse-moi Jonathan, il y avait une séquence avec justement Jean-Sébastien Giguère dans le vestiaire avant le match. Il avait vraiment l'air de Iron Man avec ses épaulettes, là, d'une immensité incroyable. On voyait même plus le casier derrière lui. Ah non, puis même à genoux, là, il se rend des épaules jusqu'au poteau ou pratiquement. Ouais. Mais c'est ça, Dustin Boyd, hein, j'ai bien aimé, puis j'ai bien aimé aussi Maxime Lapierre, qui était sur la glace pour les débuts du Canadien. Sur le but de Boyd, justement, là, il était aussi à quelques mètres de lui dans l'enclave, donc ça a un peu déstabilisé les défenseurs des Leafs, et sur le deuxième but du match, il a récolté une passe, donc il s'est impliqué pas mal... Le beau Maxime, là, comme les filles, on a pu le voir à RDS cette semaine, c'était assez spectaculaire. Mais tout ça pour dire que oui, le troisième trio a fait du bon travail, puis s'il peut continuer comme ça, ça peut être de bon augure pour l'équipe. Ben, en terminant, Jonathan, ta prédiction pour demain contre les Pingouins? Je vais malheureusement y aller pour une autre défaite du Canadien. La raison est fort simple. Crosby et Malkin ont été blanchis de la feuille de pointage hier. Fallait bien que ça tombe sur nous autres. Hein? Et c'est assez rare que ça arrive. C'est assez rare que ça arrive deux matchs de suite. Donc, d'après moi, ça va débloquer demain pour le duo des Pingouins. Ben, on va voir ça demain, ce soir, sur les ondes d'RDS. Oui, monsieur. Et parfait. Merci beaucoup, Jonathan Bernier. Bye bye. Au revoir. Salut. C'était Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. On s'en va maintenant en musique avec la chanson Vive l'automne. On en parlait, Ed Motor, qui sont totalement pas d'accord avec moi. Donc, Vive l'automne, Ed Motor, vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Bonjour, je suis Michel Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Et c'était Weezer avec la chanson Hang On. On se garde, bien sûr, El Motor avec la chanson Vive l'automne pour un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, Pierre-Luc, on y va avec le junior majeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du hockey des moins de 20 ans cette semaine? Moins de 20 ans, donc, moins de 21 ans? 20 ans. Dans le monde de M. Courteau. Dans le monde de M. Courteau. Et voilà. Exactement. M. Courteau. Donc, les Cataractes de Shawinigan qui ont commencé très bien la saison avec avaient pour l'instant une fiche de 4 victoires, 2 défaites. On essaie de continuer dans ce sens en recevant les Saguenay de Chicoutimi. Ça s'est passé samedi dernier. Ça a très bien été du côté des Cataractes. Donc, première en deuxième période, tout d'abord, Loïc Poudrier qui réussit à déjouer le gardien Robin Guss pour donner l'avance 1-0. Ensuite, Maximilien Le Sieur, toujours en deuxième période, en rajoute un deuxième but. C'était 2-0 à ce moment. Troisième période, Dave Labrecque, encore une fois, Monsieur Labrecque qui vient enfiler un autre but. Je pense que c'est son deux ou troisième de la saison. Ça va quand même très bien depuis pour qu'il est revenu de Philadelphie. Il avait pas manqué beaucoup de matchs avant de revenir de Philadelphie. Je pense qu'il avait manqué 2-3. Ouais, c'est ça environ. Mmh. Donc, ça va très bien pour l'instant pour Monsieur Labrecque, assisté de Gabriel Lemieux et Maximilien Le Sieur, encore une fois. Loïc Poudrier qui vient en rajouter un quatrième but, cette fois c'est en désavantage numérique, pour porter la marque à 4-0 au Cataract. Et finalement, c'est Joe Dubé qui vient en rajouter un autre. Et ça se termine 5-0 pour les Cataracts de Shawinigan. Grosse victoire là, contre les Saguenayens de Chicoutimi. Ceci devant 2888 spectateurs, une très très bonne foule aussi pour un samedi soir là, du côté du centre Bionest. Ben heureusement, il n'y avait pas de match là, pas de match de Ligue nationale. C'est ça, là, le Canadien n'est pas commencé. On en profite pendant ce temps-là. C'est certain. Donc la grande vedette du match, Loïc Poudrier, qui a enfilé 2 buts dans la victoire. Donc je pense que M. Poudrier là, méritait grandement cette étoile. Lui qui a vraiment donné premièrement le but gagnant, qui est le premier but du match, et le quatrième but. But à des avantages numériques pour M. Poudrier. Alex Dubon a été d'office pour le match du côté des Cataractes. Lui qui remplaçait Gabriel Girard. Donc ça a très bien été aussi pour lui. 14 arrêts seulement. Donc c'est pas. Il n'a pas été quand même très grandement occupé dans le match. Ensuite de ça, on continue dimanche. Les Cataractes se transportaient du côté de Drummondville au centre Marcel Dionne pour y affronter les Voltigeurs. Les Voltigeurs qui, à ce moment, n'avaient toujours... Non, qui avaient déjà ramassé leur première défaite. On va en reparler plus tard de cette première défaite là, des Voltigeurs de Drummondville. Mais pour l'instant, on va parler du match Cataractes Voltigeurs de Drummondville. Première période, les Cataractes qui prennent les devants sur encore une fois un but de Dave Labrecque. On en a parlé... précédemment. Ça va très bien pour M. Labrecque depuis son retour du camp des Flyers de Philadelphie, si je ne m'abuse. Si tu ne t'abuses. Ouais, donc 1-0 Cataract en première période. Ensuite, deuxième période, les Cataracts qui viennent en rajouter un deuxième but. C'est Joe Dubé, assisté de Maximilien Le Sieur et encore une fois M. Dave Labrecque. C'est 2-0 Cataract de Shawinigan. Ensuite de ça, les Voltigeurs de Drummondville viennent réduire l'écart à un seul but sur un but de Andrew Randazzo. Assisté de André Pala et de Oligny. Donc, c'était 2-1 à ce moment. Troisième période, les Voltigeurs de Drummondville qui réussissent à venir niveler la marque 2-2. C'est sur un but de Marc-Olivier Brouillard. Donc, à ce moment, 2-2. Et on s'en va en prolongation. Et finalement, c'est les Cataractes de Shawinigan qui sont allés chercher ce match-là sur un but de Anton Zlobin, le nouveau venu du côté des Cataractes de Shawinigan. Je crois qu'il est tchèque, russe. Oui, je pense qu'il est tchèque, oui, mais je pourrais pas te l'affirmer. Je pense que moi aussi, c'est République tchèque. Donc, Anton Zlobin qui vient donner la victoire aux Cataractes de Shawinigan. Donc, deux grosses victoires dans la fin de semaine là, pour les Cataractes de Shawinigan. Cette fois-ci, c'était Gabriel Girard qui était devant les buts. Ça a été d'ailleurs la première étoile du match avec 36 arrêts. Donc, ça a très bien été là, pour M. Girard. Et deuxième étoile, Marc-Olivier Brouillard du côté des Voltigeurs de Drummondville. Et Dave Labrecque qui récolte la troisième étoile avec un but et une passe. Donc, les Voltigeurs de Drummondville, après cette victoire, ont une fiche de 5 victoires, 3 défaites. et une défaite en fusillade. Donc, ce qui leur donne un total de 11 points. Ils sont pour l'instant 3e dans la section de l'Ouest. Donc, c'est quand même très bien là, pour les Cataractes qui ont quelque chose quand même probablement dans la meilleure section là, de la Ligue. Donc. Anton Zlobin, qui est natif de Moscou. Moscou, donc un Russe. Oui, effectivement. D'ailleurs, sur sa photo officielle, photo qui est prise devant la Cité de l'énergie à Shawinigan, je finissais de travailler il y a un mois environ et je passe justement devant et je vois la caravane des Cataractes en train de prendre la photo d'Anton Zlobin. J'étais comme, oh mon Dieu, quand même. Hein, ils ont du budget. Ben oui, ils ont une caravane. Ah ouais, j'en revenais pas. Oh oui, mais ils ont surtout un bon département de marketing, je trouve, du côté des Cataractes. Tu sais, d'aller chercher les... Mais il manque toujours l'Indien, voilà. On l'attend encore au Centre Bionest. Ouais. Éventuellement, l'Indien volant qui va... En parlant de volant, en parlant d'objets accrochés sur une corde à linge, comme à l'époque de l'Indien volant sur Jacques Plante. Jacques Plante, c'était ça derrière. J'écoutais mes téléfilms de l'ancien compte. Tu viens de faire un blanc. Écoute, l'épisode où Marc Gagnon se fait mettre dehors du National et va entraîner les draveurs de Trois-Rivières. Et écoute, il y a une corde à linge au même titre qu'à Shawinigan et c'est une bûche qui passe. Et écoute, j'étais pas au courant de ça. C'est assez années 70. Tu n'avais jamais entendu parler de ça? Mais c'est un classique. J'ai réalisé c'est quoi. J'étais à un match des Patriotes et j'ai vu une corde à linge au-dessus. Dans le temps des draveurs, ils faisaient sécher leur linge là-dessus. <t'sais>. Mais non, c'était pour le passage de la bûche. La bûche. Donc, on continue du côté. On parlait de différence de marketing là, entre les années 2000 et les années 80. Oui, là. Mais c'est quand même un beau clin d'œil. Ce sera un beau clin d'œil, le retour de l'Indien. Clin d'œil. Ben, il est accroché en haut. Oh, oui, mais il bouge pas. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il bouge. C'est qu'il bouge à leur début. C'est ça. Donc, les Cataractes, trop bien état. On va continuer du côté des Voltigeurs de Drummondville. Les Voltigeurs, premier match de la fin de semaine, c'était contre les Olympiques de Gatineau. Toujours au centre Marcel Dionne. Ils affrontaient, je vous dirais, probablement le meilleur gardien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Maxime Clermont, qui était de retour du côté des Olympiques. Donc, ça a été très difficile pour les Voltigeurs. On a eu 23 tirs et Clermont les a tous arrêtés, malheureusement. Donc, les Olympiques de Gatineau qui ont filé 3 buts. Johan Pinette, Tommy Tremblay, là, un ancien des Cataractes, justement. Oui, et Tommy. Jean-Gabriel Pageau, qui va très, très bien. Tommy qui va très, très bien. Je suis content pour lui. C'est un gars, écoute, qui a du cœur et qui a du vouloir. Son rôle à Shawinigan, c'était on veut laisser la place aux jeunes pour se développer. Oui, puis on parlait aussi peut-être d'un problème de comportement de son côté. Ben, pas comportement, mais il était tanné. Moi aussi, là, je sais que je pourrais jouer sur les deux premiers trios, puis je me fais mettre sur la quatrième, puis je sers à dropper les gants. Pas que Tommy a déjà eu peur de dropper les gants. Non, du tout. Mais que tu sois seulement vu comme ça, quand tu peux amener plus que ça. Ouais, c'est ça. Parce là, tu le vois qu'il y a du côté des Olympiques de Gatineau que ça va très bien. Ben, je regardais le dernier match, il y a un A sur son chandail. Et déjà, on voit du leadership dans sa chambre. Ouais. Dans la chambre, plutôt. Et le fait de voir ça aussi rapidement que ça fait qu'on va miser beaucoup de son côté chez les Olympiques. Ouais, ça, c'est certain. Donc, Gatineau l'ont emporté 3-0. Maxime Clermont, la première étoile du match. 23 arrêts. Jean-Gabriel Pageau, la deuxième étoile. Lui qui a eu un but, une passe. Et Philippe Hallé, une passe dans la victoire pour les Olympiques. Donc, ça a été la première défaite pour les Voltigeurs de Drummondville. Eux qui n'avaient toujours pas subi de revers en 7 matchs. Donc, après ces deux matchs-là, les Voltigeurs de Drummondville là, qui, mercredi soir... tenter de finalement en regagner une victoire parce que ça faisait déjà deux matchs de suite qu'on perdait. Finalement, c'était du côté de Val-d'Or au Palais des Sports. Ça sonne bien. Air-Québec. Palais des Sports, c'est anciennement, je pense. Oui, c'était le nom avant la commandite. C'est ça. Air-Québec, si je ne me trompe pas, est une compagnie d'aviation CRI. Air, d'habitude, ça ressemble pas mal à... Non, je sais, pour le air, mais c'est pour le cri. Ouais, que... Québec, mais si je me trompe pas, c'est une compagnie d'aviation qui est faite en partenariat avec la nation CRI, il me semble. Pourtant, les foreurs ne prennent pas l'avion pour aller jouer à l'extérieur. Dommage. Donc, je te laisse continuer, puis aller. On continue dans le même sens. Donc, les Foreurs de Val-d'Or, première période, tout d'abord, Sean Couturier qui enfile le premier but pour donner l'avance 1-0 du côté des Voltigeurs. Finalement, Jean-François Leblanc est venu niveler la marque 1-1, toujours en première période. En deuxième période, ça se garde du côté des Voltigeurs de Drummondville. Les Foreurs de Val-d'Or enfilent deux buts d'affilée. Olivier Archambault et Alexandre Carrier pour porter la marque 3-1 Foreurs. Finalement, troisième période, les Voltigeurs ont tout fait pour remonter la pente. C'est Julien Tremblay qui est venu réduire l'écart à un seul but. Mais finalement, Thierry Comtois des Foreurs de Val-d'Or est venu clouer le cercueil, comme on dit, des Voltigeurs de Drummondville pour porter donner la victoire 4-2 aux Foreurs de Val-d'Or. Jacob Gervais-Chouinard a été la grande vedette du match, lui le gardien de but des Foreurs de Val-d'Or. 34 arrêts dans le match, ça a très bien été pour lui. Merci pour la musique. Je me savais. Ouais, ouais. Ouais. Mais je t'attendais de le volume. Étoiles, là. Ouais, j'avais pas le choix. Donc, Jacob Gervais-Chouinard, la grande vedette du match. Alex Filiatro, deuxième étoile. Une passe et Jonathan Hazen. Une passe lui aussi là, dans la victoire des Foreurs de Val-d'Or. Et du côté des Voltigeurs, c'était Dominique Graham, le gardien de but qui était d'office pour les Voltigeurs. 25 arrêts dans le match. Donc, les Voltigeurs de Drummondville qui ont connu une difficile semaine après avoir connu un début de saison aussi excellent maintenant. Réjouissant de leur côté. Ouais, ça a été plus difficile dans la dernière semaine en espérant qu'on se relève cette fin de semaine alors qu'on affrontera le Titan d'Acadie Batters et une autre équipe, je crois, c'est Chicoutimi. Oui, c'est Chicoutimi. C'est H-I, quand tu prends des notes, c'est généralement Chicoutimi. Ça serait, pourrait être Chicago, ouais, mais ça serait très surprenant. Ou Chibougamau. Ou Chibougamau. Oui, ouais, qui est desservi par un aéroport à Québec, j'imagine. Et effectivement. Et voilà. Donc, on continue du côté des Tigres de Victoriaville. Eux, ils jouaient samedi, ils affrontaient les Olympiques de Gatineau. C'était du côté de Victoriaville. Donc, les Olympiques de Gatineau qui ont porté la marque 2-0 en première période sur des buts de Igor Levitsky et de Philippe Hallé. Donc, 2-0 Olympique à ce moment. Les Tigres de Victoriaville sont venus réduire l'écart 2-1. C'est Philippe-Michael DeVos qui est venu déjouer le gardien de but Maxime Clermont pour porter la marque à 2-1. Finalement, en deuxième période, les Tigres de Victoriaville nivellent la marque. Brendan Hines, qui vient encore une fois déjouer Maxime Clermont, c'était 2-2. Finalement, en prolongation, c'est du côté de encore une fois, Brendan Hines qui vient rajouter un troisième but. Donc, c'est 3-2. Victoire des Tigres de Victoriaville. 3-2 en prolongation devant 2022 spectateurs là, réunis du côté de Victoriaville. Malheureusement, on n'avait pas accès à les étoiles du match sur le site Internet. Mais moi, je pense que la première étoile du match est facilement Philippe-Michael DeVos et Brendan Hines qui ont participé aux trois buts. Toute une saison, pareil. Hein? Tout un début de saison à date pour Philippe-Michael DeVos qui a déjà rendu à 20 points en 9 matchs. Et à Québec, on lui a préféré Joël Champagne. Ouais, on a préféré Joël Champagne. Joël Champagne, qui est juste derrière DeVos au classement, là, 17 points en 8 matchs. Je ne faisais que faire une remarque. Là, c'était pas une critique envers M. Pas encore un mauvais choix. Mais c'est quand même Brendan Hines aussi, c'est quand même le joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey. Ah. Donc, c'est le joueur du pays là, pour de la semaine. Donc, ça a très bien été aussi du côté de Brendan Hines. Donc, c'est qu'est-ce qui conclut? Non, il reste encore deux matchs des Tigres de Victoriaville. Tout d'abord, du côté de Montréal. Donc, dimanche soir, on affrontait le Junior. On a été défait. Une grosse défaite contre le Junior de Montréal. Quand même, le Junior qui ont reçu... Les bons joueurs sont de retour. Louis Leblanc, on pense à Philippe Lefebvre. On pense aussi à... Philippe Fontaine? Philippe Fontaine, c'est non, pas celui c'est pas qui chantait Cœur de loup, ça? On pense à Trevor Sparks et Charles-Olivier Roussel qui sont de retour aussi du côté du Junior de Montréal. Donc, première période, les Tigres de Victoriaville qui ont pris les devants 2-1, mais finalement, c'est en deuxième période que ça s'est gâté du côté du Junior de Montréal. On a concédé 5 buts au Junior de Montréal, donc c'est... Les marqueurs du côté du Junior de Montréal, Louis Leblanc, Trevor Sparks, Nicolas Chouinard, Xavier Ouellet, Alex Mikhalef, Philippe Fontaine et Louis Leblanc, un deuxième but. Louis Leblanc, en passant, qui a été le joueur du match, 2 buts, 2 passes dans la victoire. Brendan Hines, encore une fois, a été très présent dans le match, 3 buts. Défaite des Tigres de Victoria. Avec 7-4 devant le Junior de Montréal. Et maintenant, on... C'était Louis-Marc Aubry, tu pensais? Louis-Marc Aubry, c'est ça. Ouais. Et voilà, merci. Fait plaisir. Philippe Fontaine ou Marc Aubry, même combat. Cœur de loup. C'est ça. Et voilà. Donc, ensuite de ça, mercredi, dernier match pour les Tigres de Victoriaville. Ils ont été défaits par le Rocket de l'île du Prince-Édouard. C'est David Onzik qui était devant les buts pour les Tigres de Victoriaville. Mais malheureusement, malgré ses 37 arrêts, il n'a pu donner la victoire à son équipe. Donc, ça s'est terminé 3-1 pour le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Ensuite de ça, on va parler aussi des joueurs là, qui se démarquent depuis le début de la saison. On a parlé justement de Philippe-Michael DeVos, qui pour l'instant est le deuxième marqueur de la Ligue. Mais aussi, on pense à Jonathan Audi-Marchessault, oui, oui, qui est excellent depuis le début de la saison. Lui qui est premier marqueur avec 6 buts et 14 aides. Ouais. Donc, ça fait un total de 20 points pour monsieur Audi Marchessault. Et les deuxième et troisième marqueurs sont aussi des joueurs des Remparts. Donc, trois des cinq meilleurs joueurs sont des joueurs des Remparts de Québec. Les Remparts qui, en ce moment, sont pas mal l'équipe de l'heure, je vous dirais. Avec le gardien de but aussi, Louis Domingue, qui est de retour. Donc, les Remparts qui sont en feu. Joël Champagne, troisième meilleur marqueur. Pour l'instant, 7 buts et 10 aides avec un total de 17 points. Le quatrième qu'on parlait, le troisième joueur des Remparts, c'est Thomas Filippi, un nouveau, là, un Tchèque. Tchèque, hein? Ouais, un gars de la République Tchèque. Ça va très bien de ce côté. 10 buts depuis le début de la saison. C'est le meilleur buteur jusqu'à maintenant. Guillaume Asselin est le cinquième marqueur, lui qui joue pour les Saguenayens de Chicoutimi. Qui a été échangé à retour de Louis Leblanc, là, disons-le. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Donc, on a parlé de Brendan Hines, le joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey. Ensuite de ça, les étoiles de la semaine dernière, Maxime Clermont, la première étoile de la semaine avec deux victoires en trois matchs, si on veut, dont une défaite en prolongation. Une moyenne de 1,64 et un pourcentage d'efficacité de 900.939. Donc, Maxime Clermont, là, qui a vraiment démontré, là, que ça va probablement être le meilleur gardien de but cette année. Et il sera d'une grande aide, là, pour les Olympiques de Gatineau, pour les mener, là, peut-être vers la Coupe du Président. On sait jamais. On l'espère de leur, ouais, côté. Brendan Hines, la deuxième étoile de la semaine. Et Gabriel Lévesque est la troisième étoile avec deux matchs, là, de trois points, là, pour le joueur du Titan d'Acadie Batters. Donc, c'est ce qui... Ben, en terminant, disons-le, ce soir, Rimouski contre Cataract. Ouais, ouais. On va tenter de prendre la revanche du dernier match entre les deux équipes, où est-ce que Rimouski avait été dominé 2-1 sur les tirs, mais ouais, s'était sauvé avec les deux points comme deux voleurs, là. Je sais pas ce que je cherchais comme mot, là, qui est un larçon. Un larçon. Ouais, c'est ça. Donc, merci. Ça se passe du côté des Rimouski, ça. Oui, soir. C'est ouais, au Colisée à Rimouski. Les gars, Sean Couturier, c'est peut-être pas le début de saison qu'on attendait. Après, non, 11 matchs, seulement 14 points. 9e au classement derrière les frères Saunier à Moncton. Ouais, mais c'est quand même les Voltigeurs qui sont l'équipe qui a joué le plus de matchs à date. C'est sûr que vous allez me dire, bon, c'est 11 matchs, il reste encore beaucoup de saison. Mais 11 matchs, 14 points. Ouais, c'est sûr. Ah, là, c'est hésitant aussi. Ouais, là, on va voir, je l'ai dit, il a fait une mono. Aide pas. Ouais, ouais. Tu sais? Non. Alors, ça va une pause. Au retour, Philippe nous parle de soccer, toujours, foot et de tout cela. Allez, vous écoutez la conduite de partie, yeah, sur les ondes de C'est fou. C'est fou, ça. C'est un jeune goût de danser, hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique après. Toi, qui es-tu? Dean Portman. D'où viens-tu? De Chicago, Illinois. Toi, Guy Germain. D'où es-tu? Saint-Paul, Minnesota. Toi, Jesse Hall, de Minneapolis, Minnesota. Qui es-tu? College Charm, Saint-Pie. Luis Mendoza, Miami, Floride. Philippe Doucet, Saint-Cuthbert. Fontaine-Louis, Stillwater, Minnesota. Ouais. Qui es-tu? Pierre-Luc Giroux, Québec. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Kenwoo, San Francisco, Californie. Je suis Granier, Saint-Hyacinthe. Et je suis Gordon Bombay, Minneapolis, Minnesota. Le conduit de partie. Mais là-dedans, Louis! Des souvenirs des Docks. Des souvenirs des Docks, ce film que j'ai encore sur ma Un film que j'ai encore dans ma discographie. Tout le monde doit avoir ça dans sa discographie. C'est et en cassette. Un cassette. VHS. 2 minutes pour l'assaut élevé. Oui. Donc, Philippe, tu nous parles de soccer. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en Europe? Cette semaine, dans la Barclays Premier League anglaise, samedi 2 octobre, entre autres, Stoke City qui a battu Blackburn 1-0. C'est John Walters qui a coulé son ancienne équipe à la 47e minute. Du côté de Old Trafford, maintenant, c'est Sunderland qui affrontait Manchester United. C'était le match qui était présenté à RDS, ça s'est terminé 0-0. Manchester United qui a été dominé durant tout le match. Sunderland a en fait dû gagner ce match-là. Mais le gardien Van der Sar a tenu bon pour le match nul. Edwin de son prénom. Tottenham affrontait Aston Villa. Tottenham l'emporte 2-1. C'est Van der Vaart qui marque les deux buts de Tottenham à la 45e et à la 75e minute. Tottenham qui devance Aston Villa par un point au classement. Aston Villa qui avait pourtant ouvert la marque à la 16e minute. Un but signé Albrighton. West Brom affrontait Bolton. Match nul 1-1. West Brom qui rate ainsi une belle chance de rattraper Manchester United qui lui a fait match nul contre Sunderland. Pour West Brom, c'est Morrison qui a égalé la marque à la 77e. Elmander avait ouvert la marque pour Bolton à la 63e. Le 11 transporte dimanche 3 octobre, Manchester City qui affrontait Newcastle. Manchester City qui rate pas sa chance de devancer Manchester United au deuxième rang de la Première Ligue. Victoire de 2-1, début de Tevez sur un penalty à la 17e et Johnson à la 75e. Gutiérrez a le but du côté de Newcastle. Blackpool affronte Liverpool, c'est une victoire de 2-1 pour Blackpool. Ça va de mal en pire pour Liverpool qui se morfond dans les sous-sols du classement. Liverpool, c'est très, très, très, très, très pire. On parle d'une vente là, du côté de Liverpool. Là. Ça, explique-moi, peux-tu m'expliquer? La vente a été approuvée par comme le conseil, mais pas par les propriétaires. J'essaie de... Okay. C'est en fait, c'est un peu comme n'importe quelle entreprise. Tu as des propriétaires, tu as un conseil d'administration. Le conseil d'administration qui a décidé qu'il était temps de vendre l'équipe et les propriétaires qui ont fait... Tu peux faire ça? Dans ces mots-là, oui. Mais c'est quoi le pouvoir du conseil d'administration? Ben, comme tout pouvoir, comme toute entreprise, en fait, le conseil d'administration a un pouvoir dépendant, évidemment, là, de la formulation de l'entreprise, mais généralement, le conseil d'administration a un pouvoir quand même assez élevé. Les deux propriétaires qui ont 100% des actions peuvent juste dire « Ok, je dissous le conseil » ou... Bon, oui, mais non en même temps. Oui, ils peuvent le faire, mais ça serait pas très bien vu de faire une affaire de même. Je pense pas non plus que... C'est très différent de l'Amérique. Extrêmement différent de l'Amérique. Et je vais t'amener un point tantôt quand on va parler de l'impact aussi qui va te rappeler un peu les différences. Je pense pas qu'on soit en mesure de comprendre ou nécessairement d'être capable d'avoir dans nos référents la mentalité européenne du sport par rapport à ce qui se fait ici. Parce que nous, ce qu'on a ici, c'est ça. Certaines équipes sont des coopératives. On peut penser aux Packers de Green Bay. Ouais. Mais un conseil d'administration alors qu'il y a deux propriétaires, c'est tout. Ça, c'est assez... Peut-être ça aurait pris à Tampa Bay. Peut-être. À l'époque de Barry Eagles. Même Tampa Bay qui est sur la... La voie du retour. Du retour, ouais. L'électrochoc a été donné. Oui, effectivement. Fait qu'on retourne à Blackpool-Liverpool. En fait, pour Blackpool, c'est Adam sur un penalty à la 29e et Varney à la 45e qui ont coulé Liverpool. Liverpool qui a tenté un retour avec Kyriakos à la 53e, mais c'était trop tard. Liverpool qui est avant-dernier au classement avec 6 points seulement après ses matchs de jouer. Ça fait un petit peu dur. Chelsea affrontait Arsenal. Le grand affrontement n'aura pas eu lieu. Chelsea qui assure sa supériorité au classement en blanchissant Arsenal. 2-0. Début de Drogba à la 39e et Alex à la 45e. La deuxième demi a été l'histoire du gardien Ramirez qui a notamment frustré le garant Chamakh dans la surface à la 58e. Chamakh que j'ai vu jouer à Montréal. Un excellent joueur. Tu l'as vu où exactement? À l'époque où il jouait pour Bordeaux. Les Girondins, d'accord. Le match entre les Girondins et l'autre équipe qui est en Bourgogne, dont je ne me souviens pas, là, pour le trophée des champions. Ensuite, au classement, Chelsea toujours en tête avec 18 points, suivi de Manchester City à 14, Manchester United 13 points, Arsenal, Tottenham et West Brom suivent avec 11 points. Tu me demandais la semaine dernière combien il y a de matchs dans la Barclays League. En fait, il y a 38 matchs au total en Première Ligue, donc encore beaucoup de foot. Les matchs à surveiller cette semaine, samedi 16 octobre, Arsenal-Birmingham, ça va être un match intéressant. Manchester United qui affronte West Brom, donc ça aussi un match très intéressant. West Brom qui pourrait devancer Manchester United. Très bonne saison, West Brom, pour une équipe qui évoluait en Coca-Cola Championship l'an dernier. Effectivement, on va avoir un match très intéressant parce que Manchester United qui est un peu sur un plateau en ce moment, donc West Brom pourrait sonner l'électrochoc aussi là, en prenant les devant et en mettant un bon départ. Ouais, un bon positionnement au classement dès le début. Je sais pas si tu peux me répondre, est-ce que c'était à Old Trafford ou c'était... C'est à Old Trafford. Okay, c'est pas à Hawthorns. Non, à 15h du côté de Old Trafford. Ensuite, match intéressant aussi entre Aston Villa et Chelsea. Aston Villa qui est au milieu de classement. Chelsea qui, advenant une défaite, ça ne changerait absolument rien pour eux. Mais Aston Villa qui pourrait justement rejoindre les équipes en tête comme Manchester United ou Manchester City avec une victoire. Donc, on va avoir un match très intéressant là. Ouais. Dimanche, le 17 octobre, c'est Everton qui affronte Liverpool au Goodison Park. On va essayer pour Liverpool que ça se réveille. C'est un match de fond de classement. En fait, les deux équipes qui sont à égalité, mais l'équipe qui pourrait remporter ce match se positionnerait quand même assez bien au niveau du classement. Ça serait drôle que Liverpool soit relégué. Ben, ça serait drôle. Ça clouerait à boucle. Ça, pas clouerait à boucle, mais ça mettrait le clou dans les cercueils. Oui, ce qui en fait ne peut pas vraiment arriver. Parce que le samedi, les Wolves affrontent West Ham United et ce sont les deux équipes... Non, je parle en fin de saison. Ah, en fin de saison, oui. Ben, ce serait une grosse tâche sur l'histoire du foot à Liverpool. Et ce serait une très grosse tâche au dossier de M. Gillett et de M. Hicks, qui n'ont pas connu des super carrières. Finalement, dans le sport, en tant que propriétaire, ça a pas. Il était mieux dans le marchand d'or. Hicks a gagné à Dallas. La coupe à Dallas. Écoute, Gillett a acheté un club à 200 millions, ils l'ont vendu 600 millions. Ouais, au plan économique, c'est ce qu'on appelle, une réussite. En terminant, le lundi 18 octobre, Blackburn affronte Sunderland. Ensuite, on s'en va en Ligue des champions. Aucun match la semaine dernière en Ligue des champions et aucun match non plus cette semaine, mais quelques nouvelles très intéressantes. On parlait de Chelsea qui affronte Arsenal tout à l'heure. Du côté de Chelsea, Alex s'est blessé contre Arsenal. Pourrait rater le match du 19 octobre contre le Spartak de Moscou, donc l'attaquant qui pourrait manquer à Chelsea. L'AC Milan pourrait affronter le Real Madrid sans son gardien Christian Abbiati, qui s'est blessé à la cuisse samedi dernier contre le Parma FC dans la Serie A italienne, qui est l'équivalent de la Première Ligue, mais en Italie. FC Barcelone qui perd son attaquant Pedro Rodriguez pour 3 semaines, claquage contre le RCD Mallorca dans la Liga, qui est également l'équivalent de... Bon, ouais, on comprend. Vous avez compris, merci. Ouais, c'est. Samuel Eto'o qui lui... Ben gros, tu me parles de 6e division. Surtout en parlant d'FC Barcelone et d'AC Milan. Samuel Eto'o qui a marqué 3 buts dans une victoire de 4-0 contre Werder Bremer il y a 2 semaines, a déclaré que les joueurs de l'Inter Milan doivent rester humbles s'ils veulent défendre leur titre. On rappelle cependant que Eto'o a célébré son tour de chapeau en s'emparant de l'appareil d'un des photographes sur le terrain et y allant de quelques clichés. Donc, restons humbles, Samuel, restons humbles. À RDS cette semaine... Exubérance. Ben oui, à RDS cette semaine, bon, aucun match évidemment. Il n'y a pas de match de la Champions League et on présente rien du côté de la Barclays. Tu l'avais fait en fin de semaine? J'en ai-tu rien à faire, tu penses? Non, mais je veux dire, s'il y a de la F1, c'est en même temps que le Barclays. C'est possible, mais la semaine passée, il y avait de la F1 et on a présenté des matchs quand même. Ah, d'accord. Alors, ouais, merci. Ouais. Mais non, c'est ça. Non, F1, depuis que notre ami Jacques n'y est plus... Jacques? Mais oui. Ouais. Pourtant, une activité qui était si familiale pour moi, c'est on se réunissait tous chez ma grand-mère pour écouter la F1, puis non, c'est terminé. Pourtant, la saison est intéressante. Je sais pas, je l'écoute pas. Mais non, de ce que je peux voir. Ouais, c'est serré, là. Puis j'ai regardé le Grand Prix de Singapour. Magnifique. Oh, magnifique. C'est beau à voir. Sous les réflecteurs. Ouais, ouais, ouais. C'est donc mieux que Cleveland. Du côté de l'Impact, on rappelle que le 3 octobre dernier, l'Impact, dans son dernier match de la saison, avait blanchi l'équipe B des Aztecs d'Austin 2-0, dont un but de Placentino à la 87e minute, un but d'anthologie, une passe qui est venue du centre du terrain du côté droit, qui a lobé au-dessus de la surface et Placentino, à la volée de la gauche, a mis ça dans la lucarne opposée. Un but magnifique, probablement un des plus beaux buts de l'Impact des dernières années. Ce match-là a finalement été un prélude aux séries puisque l'Impact débutait ses séries éliminatoires face aux mêmes Aztèques avant-hier. Bon départ du côté de l'Impact avec 2 buts sans riposte d'Ali Gerba, encore lui. Ainsi va Ali, ainsi va l'Impact. Vraiment, le réveil d'Ali Gerba a sonné justement une fin de saison magnifique du côté de l'Impact et qui rentre en série gonflé à bloc, un peu comme l'année passée. Prochain match samedi à Austin sur un terrain de football entièrement synthétique, ce qui pourrait avantager les Aztecs. Oui. Mais les Aztecs doivent battre Montréal par plus de 3 buts s'ils espèrent éliminer l'Impact, ce qui sera pas facile parce que 3 buts, c'est ce qui a accordé l'Impact au total de ses 8 derniers matchs. Donc, le match qui sera présenté sur Radio-Canada.ca à 20h30. C'est de la statistique, ça, monsieur? Quand même, hein, c'est pas si pire. En terminant, même, le prochain but d'Eduardo Sebrango fera de lui le meilleur marqueur de l'histoire de l'Impact en série. Donc, ça serait bien, Sebrango qui a fait un retour. Il dépasserait qui? Es-tu capable de me dire? J'ai malheureusement pas la statistique, mais il doit probablement dépasser quelqu'un comme De Santis ou Mauro Biello. Ouais, okay. Ça doit être un de ces deux joueurs-là. Philippe Billy, qui a été hier, lors du gala de l'Impact, a été nommé joueur de l'année. Donc, c'est un peu ça. Je voulais te parler aussi. Tantôt, tu parlais de la mentalité qui est différente. On se souvient, Joey Saputo qui est sorti dans les médias. Joey Saputo, propriétaire de l'Impact, qui est sorti dans les médias il y a quelques semaines en vilipendant ses joueurs et en affirmant que toute sa confiance allait au coach. On sait que dans le monde du hockey, ça, c'est un couteau à deux tranchants qui sonne la fin du coach. Eh bien, non. Au niveau de l'Impact, dans le soccer, qui est une mentalité un peu plus européenne, on voit que le pouvoir est au coach et que si les joueurs veulent pas se réveiller, ben c'est eux qui vont payer le prix. Ça sonnera le glas des joueurs. Oui, effectivement. Puis ce qui est l'avantage aussi, c'est qu'on peut toujours brandir le speak de la MLS du côté des propriétaires. Si vous voulez jouer à MLS, ben attriquez-vous les kids, parce que sinon vous savez quoi faire. Donc c'est ce qui était Planète Foot cette semaine. Ben je te remercie beaucoup, Phil. On s'en va en musique, on s'en va écouter les Chicken Swell, le groupe d'humoristes, avec la chanson LOL. Oui, vraiment LOL, Laughing Out Loud. Ils sont avec Extérieur. Au retour, on va parler football avec JP. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Je suis jeune et branché sur l'Internet. Sur mon sel, sur mon Dell, plein de bébelles. Connecté même les jours fériés. MSN, c'est ma vie, c'est mon ADN. Je suis accro au texto. Comme toxico, je m'exprime, je m'affirme, je parle en abrégé. Deux petits points de parenthèse et je me mets en rire. La face loud, la face loud, la face loud. Je suis en ligne, je suis parti, je suis occupé. La face loud, la face loud, la face loud. J'ai chaté toute l'année. J'en ai des bleus sur le bout des doigts. Parce que je suis devenu un illettré. Twitter et Facebook, c'est mon école. Mon adresse personnelle, c'est celle de Hotmail. Pour voir comment je file, tu cliques sur mon profil. J'ai le cerveau dans le jello, ça va faire dur tantôt. J'ai 14 000 amis sur la toile. Je add, je pompe, j'ajoute. Mais s'il y en a juste un, deux ou trois qui je parle. Deux petits points de parenthèse et je me mets. C'est fou ça. Un peu nono, un peu coquin. 89 mois. Chien moi, c'était mon grand ami. La rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif. un septième pour l'équipe. Incroyable. L'un conduit de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Alors, on est de retour à la conduite de partie. Si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live en commercial inconduitedepartie.com. Si vous voulez aller lire le blog inconduitedepartie.com, réécouter les émissions. On a un nouveau chroniqueur sur le blog, le site, M. Sébastien Proulx, un ancien de l'émission fait un retour sur le site comme chroniqueur qui livre une première chronique sur le hockey en Mauricie, les Cataractes et un petit peu des estacades. Qui parle un peu de Jimmy Appleby, l'ancien des estacades qui connaît un très bon début de saison avec les Remparts de Québec. On part maintenant avec JP Grenier. Comment ça va, mon JP? Salut, ça va bien, vous autres? Ben oui, JP. All right. On passe ça tout de suite, là. Il reste pas une tonne de temps, là, pour l'émission. Puis je veux qu'on parle de baseball tantôt après la pause musicale. Donc, let's go, on y va. Pas de problème. Donc, faire ça vite, football. Ben là, pas trop vite, là. Articule. Si t'arrêtes de l'interrompre, ça va aller plus vite. All right. Donc, football universitaire canadien. On a encore une grosse cette semaine. D'après moi, c'est la semaine la plus intéressante, là. Oui. Qui va être là tout d'abord ce soir. Sherbrooke qui reçoit l'Université Bishop. Les surprenants Gators qui ont gagné le match la semaine passée contre les Carabins. On a aussi le Rouge et Or qui affrontera les Carabins à Montréal. Puis on a les Redmen qui affrontera les Stingers. Donc, selon moi, c'est la semaine la plus intéressante. Les Stingers qui devra se méfier des Redmen, les Carré, les Stingers, Concordia qui sont dans une mauvaise séquence, donc va faire attention. Sinon, les Carabins, ben, il va falloir qu'ils se relèvent là, de leur défaite contre les Gators. Les Rougeurs qui voudront sûrement pas sortir de là avec une défaite. Puis les hommes d'André Bolduc à Sherbrooke, on avait dit que la semaine passée c'était à la Coupe du Maire. Oui. C'est pas vrai, ça va être à Bishop cette année. Ah, ok. C'est trompé. Donc, non, c'est ça, ça sera pas ce soir. Un gros match encore là, je pense que les Gators... Bizarre quand même, il me semble que ça devrait être le premier match ou... Je sais pas, non? En tout cas, ouais, un, là, ouais, non, j'ai... Ouais. C'est une année à Sherbrooke, une année à Bishop, puis c'est au gré de... D'une manière ou d'une autre, tu y vas à pied, là. Ouais. Donc, récapitulatif du match de la semaine passée qui était Bishop contre Montréal, là, qui était présenté à Radio-Canada... Il était tout présenté à la télé, celui-là? Non, c'était Sherbrooke contre les Redmen, en effet. Donc, les Gators sont sortis de là avec la victoire. Eux qui ont marqué 20 points en première demi, sont sortis de la première demi avec une avance de 14 points. Donc, les Carabins qui se sont fait sûrement brasser par leur entraîneur entre les deux demi. Le front défensif de Bishop qui était incroyable, paraît-il. Beaucoup de sacs du corps, une très bonne pression toujours, puis Rentrant Sonné qui n'a fait que 109 verges par la course sur 19 courses, lui qui est habitué à des matchs de 150 verges, donc on a réussi à le contenir, pas beaucoup de touchés, les unités spéciales qui ont vraiment fait le travail aussi, donc très bon match des Gators, ils ont jamais ralenti la séquence, puis sont vraiment à surveiller d'ici la fin de la saison. Je sais pas c'est quoi qui les a piqués dans l'entre-saison, qui soit aussi surprenant que ça, sauf que je trouve ça le fun de voir Lennoxville là, qui enfin gagne des matchs, puis on aurait pu assister cette semaine, dans le fond, Rougeard contre Carabin à numéro équipe 1 contre 2, mais ce sera malheureusement pas le cas. Sinon... Wow, ça va quand même motiver Montréal à performer. Ben oui, c'est ça, là. Écoute, Marc Santerre, je trouve qu'il donne pas assez de crédit à Bishop, là. Il dit, ouais, on s'est fait battre par une excellente équipe, mais... mes vétérans se sont pas présentés. Je trouve que c'est une mauvaise excuse. Là. Tandis que Glenn Constantin, lui, a dit que il se méfie vraiment gros des Carabins. On sait que l'an passé, ils avaient surpris. Les Carabins, on sait que c'est la deuxième meilleure équipe, même si on fait par Bishop. Donc, écoute, on sera surveillé à ce point-là. Pas beaucoup de nouvelles, sinon, dans le football universitaire canadien, là, comme on... C'est une grosse semaine à venir, puis je pense que là, le classement s'en sort de plus en plus. Les Gators qui sont maintenant deuxièmes au classement devant les Carabins. Cinquième au pays, les Bishop, là. Oui, oui, impressionnant. Moi, écoute, jamais j'aurais dit en début de saison qu'ils se ramasseraient là. Là. Et très peu après dire ça. Écoute, ils sont en avant d'Ottawa qui était deuxième au début de la saison aussi, là. Oui, oui, oui. Donc, le Vaillard qui ont enfin gagné un deuxième match contre les Redmen. Écoute, ils ont gagné 34-8, sauf que c'est pas ça l'indique pas vraiment le résultat du match là. Personnellement, j'ai vu les highlights puis je trouve que sais pas, il me semble qu'il manquait de quoi, là. C'est vraiment parce que McGill sont moins forts. Sont pas dans, on dirait qu'ils sont pas dans la même ligue que les autres équipes cette année. Ça a pas été impressionnant. Donc, ce soir, je vais être au match à Sherbrooke. Donc, j'ai hâte de voir ça. Tu vas aller mettre le feu au stand. En plus, ça rentre la température n'est pas très idéale, là. Ça rentre-tu? Il y a quoi, 2000, 3000 places à Béchamp? Non, ce soir, c'est à Sherbrooke. Ah, c'est à Sherbrooke, désolé, je m'inquiète. C'est la Coupe du Maire qui est à Lennoxville, si je me trompe pas, dans 2 semaines. OK, d'accord. Exactement. Donc, ce soir, à Sherbrooke, toujours une bonne foule. Le Vaillard qui est dur à battre à domicile, par exemple. On doit attendre 7000 personnes environ? Exactement. Puis, probablement, là, quelques étudiants de Lennoxville qui vont se déplacer à 15 minutes de leur campus. Vos amis mauves. Exactement, nos bons amis mauves. Donc, on va passer au football américain. Une grosse semaine encore, là, 3 matchs à l'affiche que j'ai retenu. Tout d'abord, Michigan contre Michigan State, l'affrontement de la semaine. C'est la première fois depuis 50 ans que les deux équipes se rencontrent, puis qu'ils sont dans le top 25. Michigan State, on en a parlé un peu, sont très surprenants cette année. Même chose pour Michigan, personne ne s'attendait à les voir là. Ben là, c'est les performances de Denard Robinson qui sont... Je la donne. Une excellente carrière pour le collège. Et on parle de lui comme le favori pour gagner le Heisman. Exact. Lui qui sert aussi bien son bras que ses jambes. Son problème dans son cas, c'est les blessures. Depuis le début de la saison, on n'a pas été capable, à part une fois, de jouer un match complet. Toujours des petits bobos ici et là. Il y a juste 5 matchs de jouer, même pas la moitié de la saison encore. Donc, ça va être à voir. S'il est capable de rester en santé, les Wolverines vont continuer à gagner. Sinon, je doute que Tate Forcey va être capable de mener ça l'équipe. Ça sera pas le même type d'offensive, en tout cas. Là. Non, écoute, Tate Forcey qui est plus un carrière de pochette. Donc, lui qui reste sur place, effectue ses passes. Tandis que Darren Robinson, c'est beaucoup plus dans le style de Rich Rodriguez. L'entraîneur de Michigan, c'est-à-dire préconise la course, l'option du carrière. Donc, un peu comme on voyait dans l'époque à West Virginia. Exactement. Bon vieux NCAA. Donc, Michigan qui sont très excitants à voir cette année jouer. Eux qui jouent en plus à domicile à Ann Arbor. Donc, toujours un stade très difficile à gagner. Donc, écoute, je pense qu'ils vont l'emporter là, avec l'avantage de la foule parce que Michigan State est toute une équipe cette année. Sinon, il y a Florida State qui joue contre leur rival de toujours, Miami. Un excellent match. Oh! Wide right, wide left. Pardon? Wide right, wide left cette année? Yes, une vieille rivalité qui est surface. Ça va être à gauche, ça va être à droite cette année, le kick? Ça va être à gauche. Hey, Maurice, par exemple, c'est ça. Donc, d'après moi, Miami vont gagner. Là, Florida State, c'est pas l'équipe la plus équilibrée cette année, loin de là, surtout dans leur conférence, qui était supposée remporter les grands honneurs de la ACC, puis finalement, ça a manqué leur coup dès le premier match de la saison. Donc, sans leur entraîneur, Bobby Bowden, c'est plus pareil, là, on dirait. Sinon, LSU contre Florida. LSU, qui, la semaine passée, sont passés à une pénalité près de perdre le match. Je sais pas si t'as vu ça. Oui, ça a été très serré entre LSU et Texas. Donc, c'est une pénalité de trop d'hommes sur le jeu qui a fait perdre Tennessee, qui avait pourtant remporté le match parce qu'il y avait plus de temps. Donc, un peu comme les Alouettes à la Coupe Grey. C'est le genre de pénalité qui fait disjoncter un entraîneur. Oh. Écoute, toute l'équipe était sur le terrain, pensant avoir gagné. Une surprise, Tennessee qui n'était pas censé battre LSU. Puis finalement, trop de joueurs sur le terrain. Mais il y avait 13 joueurs sur le terrain, là. Oui, même pas 12. Pas 12, 13, là. C'est comme... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'équipe a fait des changements. Écoute, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait la formation sur le jeu. Il restait plus de temps au cadran, donc le centre a fait le snap, là. La mise en jeu, oui. Puis qui était tout croche, le carrière qui était pas prêt pour tout. En tout cas, bref. Tennessee saute sur le terrain, pense qu'on a gagné, mais pas en tous, là. Écoute, LSU ont une deuxième chance, vu qu'il y avait trop d'hommes sur le terrain, puis finalement, ils ont marqué le toucher facilement, là, une course d'une verge, donc c'est ça. Petite nouvelle en finissant le football, le Pac-10 qui va rajouter 2 équipes l'an prochain, c'est-à-dire Colorado et Utah. Oui, ben on parlait beaucoup là, du Big 12, que ça allait tout croche. Ben, oui. Le Big 12 a failli mourir cet été jusqu'à temps que Texas dise la chose suivante, non, on ne quittera pas le Big 12. Mais Texas, si je me trompe pas, sa propre chaîne de télévision pour ses matchs. Fait que c'était une question, c'était une question monétaire là, au niveau des conférences, tout ça. Mais là, on a deux équipes. Ben, Utah, eux, étaient dans la Mountain West. Oui, c'est eux qui étaient enfin prêts à changer, là, qui dominent très joyeusement cette conférence-là depuis plusieurs années. Boise State va venir prendre la place de Utah. Oui. Colorado, eux, étaient dans le Big 12. S'en vont là. Donc, le Big 12 va peut-être devenir le Big 11 ou... non, pas le Big 10. Je pense hein? pas qu'il change de nom. Là, non, ben, gars, le Big 10 sont 11 équipes. Exact. Donc, tu essaies de garder ta même chose. Au pays, tu ajoutes une autre équipe. C'est pas plus compliqué que ça. Tu essaies. Mais oui, le Big 12 a failli y rester cet été. La conférence au complet, on parlait de certaines équipes aller dans la Pac-10, d'autres aller dans la Southeastern Conference. Mais finalement, la rupture n'a pas eu lieu. Donc, c'est ce qui était le football de cette semaine. Bon, ben, c'est parfait. Hey, on s'en va en musique. On s'en va écouter Vive l'automne d'El Motor. Pour de vrai, cette fois-ci. Au retour, on parle baseball, les débuts des séries, avec toi encore, JP. Yeah. C'est bon. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. JP, on parle de baseball maintenant? Ben oui, le meilleur temps de l'année. Oui. Le plus beau mois, le mois d'octobre. Les séries qui sont commencées cette semaine, donc on avait juste pour vous dire les équipes qui sont en jeu cette année. Pour commencer, on a les Giants de San Francisco qui affrontent les Braves d'Atlanta qui sont de retour en série après quelques années de vache maigre. Oui, maigre. Radius, plus juste maigre. Là. C'est... Ah non, c'était la on peau ses os. On a plus Big Tree comme dans le temps. Donc, dans la nationale également, les surprenants Reds de Cincinnati affrontent les puissants Phillies de Philadelphie. Dans l'américaine maintenant, les Rangers de Texas contre les Rays de Tampa Bay, puis finalement les Yankees contre les Twins du Minnesota. Faudrait parler tout d'abord du match sans point ni poussure de Ryan Holiday cette semaine. Ryan Holiday qui quitte Toronto, et à sa défense, je le comprends très après bien. Après 260 départs, n'avait jamais été en série d'après-saison. Donc, il se dit, écoute, je vais quitter Toronto, j'aimerais ça un jour faire les séries. Et avec Boston et les Yankees dans ma division, ça risque pas d'arriver avant au moins 100 ans. Donc, qui quitte, premier match en série, c'est un match en point de couture. Et à un but sur balle, c'est un match parfait. Hey, c'est quand même, là. C'est, y a-tu de, c'est son deuxième de l'année, en plus. Oui, c'est c'était-tu un match parfait l'autre fois, par contre? C'était un match parfait l'autre fois, mais c'est son deuxième match sans point de couture de l'année. Je veux dire, ça doit être... ça doit pas être arrivé très, très souvent. Ça. Deux fois, ça se demandait si, mettons, il avait joué avec une équipe comme les Phillies toute sa carrière, qu'est-ce qu'il aurait pu devenir. Ouais. Vous regardez ce lanceur-là lancer, puis il est en contrôle total. Écoute, c'est balle à effet, là, je veux dire. Il coupe tout devant le marde, puis c'est impossible pour le... Ben, pas impossible, là, mais c'est très difficile pour les frappeurs de le frapper, là, puis... Écoute, il y a une bonne vélocité, il y a vraiment un lanceur complet, là. Il y en a gros qui disent que ça va peut-être être Wainwright qui va gagner le Cy Young cette année dans la Nationale. Sauf que moi, je le donne à Holiday sans aucun doute, qui est un game breaker, qui peut changer le match à lui seul. Donc, ça va être intéressant de voir les Phillies qui ont l'avance 1-0 contre les Reds, qui sont pas morts, là. Ils ont d'excellents joueurs. Puis, écoute, ils ont la profondeur pour gagner la série en 5 matchs. Donc, je pense que les Phillies vont aller jusqu'au bout, sauf que quand même, les Reds forment une excellente équipe. Sinon, pour les Braves, ils ont fait face encore à un autre lanceur hier, là, Tim Lincecum. Je sais pas si vous avez déjà vu ce gars-là, 5 pieds 9. Avec 5 pieds de cheveux. 5 pieds de cheveux, oui. Une grosse chevelure, une motion très bizarre qui fait qu'il est très difficile à frapper parce que de la façon qu'il lance, c'est que les frappeurs voient tout simplement pas la balle arriver, donc pas le lanceur qui lance le plus fort, sauf qu'il mixe ça avec des bons effets. Donc 14 rétro bâtons hier. 14, encore d'aucun point, je pense 3 coups sûrs. Deux coups sûrs, donc excellent match pour lui. Les Giants qui forment une surprise cette année, tout le monde voyait les Dodgers gagner l'Ouest ou Colorado peut-être. Ça, finalement, ce fut les Giants, je suis content pour eux de les revoir en série. Sinon, Minnesota font déjà face à l'élimination. Ça n'a pas été long pour Minnesota, malheureusement. Les Twins jouent dans un nouveau stade cette année. Une très belle équipe à avoir joué, sauf que sans Justin Morneau, c'est pas la même équipe. Joe Mauer est excellent frappeur, un frappeur incroyable, sauf qu'il n'a pas peut-être la puissance pour mener son équipe, mais faire gagner des matchs. Du côté des Yankees, là, Mariano Rivera, à 42 ans, là, quand il s'amène sur le monticule, game over, hein? Ben écoute, garde, selon moi, c'est le plus grand stopper de tous les temps, même s'il n'y aura jamais le record de... Ben, je dis jamais, là, on dirait qu'il va lancer jusqu'à 55 ans, là, mais il n'y aura jamais, je pense, le record de Trevor Hoffman. Écoute, s'il y a un gars à mettre, garde, au hockey, on dit que Patrick Roy, c'est le goaler le meilleur sous la pression, mais je pense que Rivera, c'est un peu le même style au baseball, là. Puis tu sais, en étant un fermeur, comment on dit ça en français? Un closer. Non, j'ai juste closer en tête, mais... Un releveur. Un releveur, ouais, mais le releveur de finition, releveur... Un releveur de fin de match. Ouais, en tout cas, en étant un releveur de fin de match, son bras peut encore, tu sais, subir les chocs de lancer. Ouais, puis il montrait une statistique cette semaine. Jamais cette année, il a fait plus qu'une manche en relève. Donc, les Yankees le savent. Non seulement efficacement, mais intelligemment. Ouais. Quand tu as besoin. Sa carrière est aussi longue. Jamais plus que 4 retraits pour Mariano Rivera. Fait que tu vas le voir arriver, finir la 8e, entrer en 9e. Mais c'est très, très rare. Puis ça arrive juste en série. Puis en même temps, son lancer, sa cut to fastball, sa rapide coupée est tellement efficace que c'est ça qui a fait sa renommée. Il n'y a pas besoin d'une grande courbe ou un excellent changement de vitesse pour gagner ces matchs-là. En plus d'être incroyable sous la pression, donc les Yankees, ça va être très dur à battre encore cette année avec la machine offensive qu'ils ont, là. Teixeira, Berkman qui sont allés chercher, donc écoute, je pense pas que les Twins les arrêtent, là. New York sont un match déjà désiminé, donc ça va être difficile. Puis finalement, les Rangers Texas qui mènent déjà 2-0 contre les Rays, qui sont pas capables de rien faire, là, même à domicile. Les Rangers qui comptent sur toute une attaque avec Vladimir. Je pense que j'aimerais ça voir les Rangers gagner juste pour notre Vlad national. Voilà, on parlait des lanceurs des Rays, puis on parlait pas beaucoup des frappeurs des Rangers, mais finalement... Même les Rangers contre Cliff Lee, on l'a vu l'an passé, excellent lanceur en séries éliminatoires. Encore cette année, a menotté les frappeurs des Rays, donc... Je pense que les Rangers vont passer cette ronde-là. Les Yankees, dans la nationale, là, ça va être San Francisco contre Phillies. On est tout à fait d'accord sur tous les points de vue. Ça devrait ressembler à ça. Mais c'est le fun. Hein, écoute, le printemps, les matchs qui durent 12 heures, je m'ennuyais de ça. Là, d'aller écouter une autre émission pendant à peu près une heure, puis de revenir, puis deux retraits. En plus, c'est Denis Cazavant et Roger Boulotte à Description ADF qui sont toujours excellents. Ils sont donc bons. Ils font un excellent travail. Mais Denis, écoute, c'est à partir de l'année où Denis est le plus actif. Écoute, il ne doit pas avoir beaucoup de sommeil parce qu'il y a l'émission du matin à Team 990. À Montréal, il fait le baseball qui se termine tous les matchs et finissent après minuit. Ça en est quasiment ridicule. Oui, parce qu'ils en font deux. Ils en font deux. Écoute, Denis, il gagne son salaire présentement. Donc, lui qui est un passionné, ça paraît, connaît le baseball en plus. C'est vraiment le meilleur duo RDS, là, on va le dire. Là. L'autre n'est pas très dur à battre. Là. J'aime bien, écoute, Marc Blondin puis l'autre lutteur. Là, Jean Gounel et Claudine aussi, c'est pas si pire. Fred et Yannick. Moi, j'étais pas sérieux pour les deux lutteurs. Tu as l'air d'être bien sérieux. Fred et Yannick sont excellents. Oui. Fred et Yannick, c'est la chose qui se rapproche le plus de mon duo idéal, Jay Unright et Dan O'Toole à TSN. Ouais, mais Jay Unright et Dan O'Toole... sont une coche. Ouais. Écoute, l'autre fois... Il écœurait leur producteur, genre producer Tim, qui l'appelle, mais tu sais, je sais pas, le gars a une grippe, mais tu sais, il est en arrière des caméras, tu verras jamais ça. À n'importe quel autre poste, les gars parlaient du producteur qui est malade, puis il dit, tu sais, producer Tim, il dit, t'es au Canada, tu peux aller te faire soigner. Oui, on a le healthcare, on a l'assurance santé, tu peux y aller, là. Live, c'est zone, c'est quasiment aussi des ridicules que certains matins, nous autres. Ça, là. Ouais. Mais il y a un groupe sur Facebook, Producer Tim, I'm a fan of Producer Tim. Ouais. Donc, ce duo-là est assez difficile à battre. Pour le reste, ben écoute. Mais Denis Cazavant, Roger Brulotte, ça va rester des voix qui vont toujours me manquer sur le AM. Là, Denis Cazavant, jamais été sur l'AM. Oui, il faisait pas les dernières années. Non, tu te trompes avec Mark Griffin. C'est fort probable. Ça serait pas la première fois que je me trompe. C'est ça, c'était Mark Griffin. On avait Jacques Doucet, bien sûr. Ouais. C'était qui le troisième? Ça s'appelle-tu Pierre-Luc, mais JP? Ben, Roger en a fait durant plusieurs années. Oui. Mais ben, à la fin, il y avait Mark Griffin puis Jacques Doucet, là. Il n'y en avait pas un troisième. Oui, il y en avait un troisième parce que Doucet prenait des vacances. En tout cas, c'est pas plus clair que ça. Hey, c'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour une autre édition de l'Inconduit de partie. Vous voulez visiter notre site, c'est le www.inconduitdepartie.com. Et pour nous rejoindre en studio, c'est le live à commercialinconduitdepartie.com. Pour Philippe Doucet, Pierre-Luc Giroux, JB Grenier, Jonathan Bernier, je suis Nicolas Ducharme. On s'assemble en musique avec Ketchy Ketchka, des Cowboys Fringants dans le temps qu'ils faisaient de la bonne musique. Bonne semaine tout le monde! Salut, bonne semaine! Ciao!